Ensuite, le cheikh il mentionne un autre droit parmi les droits de la fraternité. C'est le cheikh il dit أن تتجنب مع إخوانك المراء والممارات. فإن المراء وعليكم السلام ورحمة الله مذهب للمحبة ومذهب للصداقة ومفسد للصداقة القديمة ومحل ومحل للبغضاء والتشاحن والقطيعة بين الناس. ومعنى المراء أن يكون ثم مناقشة أو بحث، فهذا يتعصب لرأيه وهذا يتعصب لرأيه ويماريه ويحاول من كل ويحاول كل منهما أن ينتصر لرأيه، فيأتي بالأدلة ويرفع صوته، ثم بعد ذلك يحصل في النفوس ما يحصل. وقد كان بعض ذلك بين الصحابة، فقد قال أبو بكر مرة لعمر ما أردت إلا مخالفتي، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فيجب أن يكون المسلم مع أخيه ومع صحبته، مع صحبته ومع خاصته، متنزها عن المماراة. Donc on va expliquer qu'est-ce que ça signifie cette partie. C'est que le musulman, il doit éviter, il doit s'abstenir et s'écarter complètement des débats et des disputes au sujet des de la religion ou d'autres avec son frère. Quand quelqu'un commence à faire des disputes avec un autre, puis il commence à s'obstiner, comme on dit ici au Québec, il commence à s'obstiner, c'est-à-dire il veut absolument rester et défendre sa position avec de façon fanatique. Comme si mon opinion c'est la vraie, et là il veut absolument prouver à l'autre que c'est lui qui a raison, puis l'autre il fait la même chose en même temps. Mais il défend son opinion à lui. Donc chacun de son côté il commence à débattre et à s'argumenter. Mais comme le cheikh il dit, comme si il commence à s'argumenter mais à se disputer en même temps. D'accord ? C'est ça al-mira al-mumarat. Et ça, ça détruit l'amour. Ça fait partir l'amitié. Même l'amitié ancienne, elle peut mourir avec ce genre de dispute-là. Et elle est remplacée par quoi ? Elle est remplacée, al-mira. Al-mira. Elle est remplacée par la haine et l'animosité. Et par le fait que les gens se coupent par la suite, c'est-à-dire ils se coupent dans le sens que ils ne se parlent plus, ils cessent de se parler, de se côtoyer, de se fréquenter par la suite à cause de ce genre de dispute. Et la signification de al-mira, c'est que il y a un débat entre toi et une autre personne, ou une discussion ou une question de recherche entre toi et elle, puis chacun il s'accroche ou il devient comme on dit, borné, et accroché à son opinion à lui. Et il commence à disputer avec l'autre sur ça. Et il utilise tous les moyens qu'il peut pour essayer de défendre son opinion. Et il ramène des preuves, et il lève le ton. Il lève le ton, il commence à crier, commence à s'énerver. Et l'autre, il répond aussi, il lève le ton lui aussi. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose qui se produit dans le cœur des personnes à ce moment-là. Il y a comme la haine qui rentre et la colère qui rentre. Et ça a des conséquences négatives. Et le cheikh il dit que certaines de ce genre de choses-là sont arrivées parmi les sahaba. Et il dit que une fois, Abu Bakr, radiallahu anhu, a dit à Omar, tu n'as voulu que me contredire. C'est-à-dire, tu n'as voulu que me contredire. C'était ça ton intention. Alors que ce sont des sahaba, ridwanallahi alayhim. Il dit, mais il est obligatoire que le musulman, avec son frère, avec son compagnon, avec son ami, il soit écarté et éloigné complètement de ce genre de dispute et de ce genre de argumentation. Des fois, les gens, et surtout, bon, je peux dire parce que, bon, moi, je suis haïtien, donc, yani, subhanallah, peut-être qu'on va dire c'est quoi le rapport, mais nous, on connaît, entre nous, on se connaît, alors on a l'habitude, des fois, de faire des disputes et des argumentations pour n'importe quoi. C'est-à-dire, pour n'importe quel petit détail, des choses insignifiantes de la vie, c'est même pas des affaires de religion, c'est des stupidités, mais on commence à faire des grosses discussions, des gros débats, hein, puis on lève la voix, on lève le ton, juste pour savoir c'est qui a raison dans des choses comme ça. Alors que dans des situations comme ça, Gogol aurait pu, hein, répondre à notre problème. Tu connais pas Gogol? C'est un arme. Allez, quand vous avez ce genre de discussion là, arrêtez de discuter, puis dites on va retourner à Google. Non, mais je parle pas des questions de religion là. Je parle des questions dans la dunya, hein, des choses de la dunya. Des fois les gens ils parlent, l'autre il est convaincu de quelque chose. Oui, c'est sûr. On essaie de voir les sites de référence qui sont un peu fiables. Pas dans les forums. On va pas entrer dans des forums d'opinion. Chacun il dit qu'est-ce qu'il pense. Il n'y a pas de référence scientifique là-dedans. Non, ça c'est pas tellement bénéfique. Mais c'est juste pour dire que des fois, dans des questions comme ça, c'est mieux de retourner à des références de spécialistes qui vont définir les choses. Soit le dictionnaire, ou soit des encyclopédies, ou des choses comme ça, dans des choses de la dunya, qui vont nous clarifier la signification des choses, parce que des fois, c'est juste la définition des mots. Des fois, on dit la même chose, mais on ne dit pas la même façon. On utilise deux mots différents qui ont la même signification, ou bien deux mots yani, pareils, mais qui ont différentes significations. En tout cas, on se débat pour rien. On se dispute pour rien dans ces choses-là. Donc ça, c'est des choses qui existent, qui arrivent, et ça cause de la colère, de l'animosité entre les frères. Alors imaginez si c'est au sujet de la religion, c'est encore plus grave. On n'a pas le droit de disputer sur la religion et de faire des débats sur la religion. Mais des fois, il y a des frères qui m'appellent et je les entends en train de se crier et de s'insulter et de se parler fort les uns contre les autres. Ils me disent: Harry Suleiman, c'est quoi le hadith qui dit telle chose? Est-ce que c'est pas vrai que c'est comme ça? Est-ce que c'est pas vrai que c'est ça? Et là, je les entends en train de se disputer entre eux en arrière. Ya Ikhwan, subhanallah, c'est pas comme ça la religion. On n'a pas le droit de faire des débats sur la religion de cette façon-là. Si toi, tu connais pas la preuve, ou l'autre, il a connu une preuve, mais l'autre, il n'est pas convaincu, parce qu'il ne l'a jamais entendu, ou il ne l'a jamais lu dans un livre authentique. Attends! Retourne à des références. Si tu n'as pas la réponse maintenant, tu peux l'avoir demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine. Tu appelles un cheikh, ou tu cherches dans un livre, ou tu vérifies. Et puis, celui qui a raison, alhamdoulilah, celui qui n'a pas raison, alhamdoulilah, vous cherchez al-haq. C'est ça l'important. Mais c'est pas de vouloir faire des débats, puis de vouloir avoir raison absolument, hein. Donc ça, c'est très important. Peut-être que tu as lu quelque chose, tu as mal compris ce que tu as lu. Et l'autre, il l'a lu, et lui, il a bien compris. Ou bien tu as lu, tu as fait une erreur dans ta compréhension, tu penses que tu as la vérité, mais tu t'es trompé. Ou tu as lu quelque chose, ça faisait très très longtemps, tu t'en souviens pas correctement. Puis l'autre, ça fait pas longtemps qu'il l'a lu, donc sa mémoire, c'est plus frais dans sa tête. Donc quand il a lu ça, lui, il te le dit, toi tu dis, mais non, moi j'ai lu ça, hein, des choses comme ça. Surtout quand il y en a, quand ça fait longtemps qu'ils sont convertis, ils ont appris quelque chose au tout début. Puis il y en a un autre qui est nouveau converti, il vient juste de l'apprendre, quelque chose qui est contraire à ce que l'autre a pensé. Donc il dit, ah, mais il faut faire telle chose de telle façon. Il dit, écoute, moi là, ça fait 20 ans que je suis converti, là, tu vas pas me dire que c'est toi qui as raison, moi là, je connais plus que toi. Et l'autre, il dit, écoute, mais moi, je viens juste de lire là dans un livre, ça fait pas longtemps. Et je suis au courant, je sais que c'est ça. Et là, il commence à se disputer pour ça. Hein? Et l'autre, il dénigre. Et même, des fois, c'est entre convertis, des fois, c'est des gens qui sont nés musulmans. Et il parle avec un converti, mais du fait qu'ils sont nés musulmans, ils disent ben, moi je connais plus que toi, toi t'es converti, moi je suis pas converti. On sait que ça c'est pas des références. On sait que ça ne veut pas dire. Hein. Quelqu'un peut être converti, savoir plus ou savoir certaines choses que l'autre n'a pas su encore. Ou avoir compris certaines choses que l'autre qui est né dans l'islam n'a pas encore compris. Hein? Parce que l'islam, c'est pas une affaire de génétique, hein, héréditaire. C'est une affaire qu'on doit étudier et on doit apprendre. Donc tout le monde peut se tromper. Donc, celui qui a raison, il a raison. Celui qui s'est trompé, mais on retourne aux preuves et on n'a pas à disputer dans ces choses-là. نعم. Donc le cheikh il dit لأن وجهات النظر في المسائل تختلف وكلما توسع نظر المرء وتوسع عقله وإدراكه علم أن النظر في بعض المسائل متسع لا يكون على جهة واحدة وقد يأتي ثالث ورابع فيخرج كل واحد برأي جديد فإذا النقاش لا يعني المراء ومتى رأيت المسألة بدأت تدخل في المراء فانسحب سواء كنت محقا أو ترى من نفسك أن الصواب مع أخيك وليس معك قال عليه الصلاة والسلام من ترك المراء وهو مبطل أي نعم من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة في أي نعم من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة فترك المراء محمود وهو من حق الأخ على أخيه. Le cheikh il dit les points de vue peuvent être différents sur différentes questions. On peut diverger parfois. Et plus on s'approfondit dans les questions, plus il peut y avoir de divergences et de différences de points de vue. Et plus il peut y avoir de différences et de différences dans la façon dont on analyse les choses et dans notre intelligence. Il y a différence entre les gens dans l'intelligence et dans la compréhension. Et donc, on sait très bien dans ce cas-là que il y a une possibilité de s'élargir et de s'approfondir dans chaque question pour regarder les choses de façon plus précise. Et parfois, c'est pas juste un point de vue qu'il peut y avoir. Il peut y avoir un débat entre deux personnes, puis il y a une troisième qui arrive, il rajoute un troisième point de vue. Et après, il y a un quatrième qui arrive, il rajoute un quatrième point de vue. Et un cinquième, et ainsi de suite. Donc, à la fin, on sort, non pas avec deux opinions, mais avec trois, quatre, cinq, six opinions différentes par la suite. Donc, premièrement, c'est important de comprendre, comme le cheikh il dit, que le fait de débattre et d'argumenter, c'est pas nécessairement haram en soi, c'est pas nécessairement mauvais. Sauf que, qu'est-ce qui est mauvais, c'est quand on commence à se disputer en argumentant et en discutant. Parce que chacun veut essayer de prouver que c'est lui qui a raison, mais il dépasse la limite. Et il commence à se fâcher, se mettre en colère, des choses de ce genre. Lorsque tu argumentes ou tu discutes avec quelqu'un de façon respectueuse et de façon scientifique, en argumentant avec des preuves et ainsi de suite, ça c'est correct. Mais du moment que tu vois qu'il y a du mira qui rentre dans la discussion, alors là tu dois t'écarter, tu dois sortir de cette discussion-là. Peu importe que tu aies raison ou que tu aies tort. Et tu le sais en toi-même, parfois tu vois en toi-même, tu sais que qu'est-ce que ton frère il dit, c'est lui qui a raison. Mais parce que tu veux t'obstiner, parce que tu veux absolument avoir raison, tu continues à débattre. Alors que tu vois que qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Et que tu vois que tout ce que tu dis, ça tient pas, tu vois. Mais des fois c'est l'orgueil, la fierté, l'arrogance. Allah musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui abandonne la dispute qu'il a, l'argumentation qu'il a avec quelqu'un, alors qu'il a raison, Allah subhanahu wa ta'ala va lui construire une maison au plus haut de, dans le paradis. Donc, c'est-à-dire que toi, c'est toi qui as raison, et tu le sais que tu as raison. Mais tu abandonnes la discussion. Tu dis, ok, ça y est, j'arrête. Malgré que c'est toi qui as raison, Allah te construit une maison dans le plus haut du paradis. Hein? Donc ça veut dire que tu dois réfléchir comme ça, tu dois te rappeler de ça. Pour dire, bon, là, si je continue à discuter comme ça avec lui, ça risque de dégénérer. Ça risque de tomber dans Al-Mira. Donc j'arrête. Ok, ça y est. Al-Mira, c'est de disputer dans une argumentation, de se disputer et de s'obstiner à vouloir avoir raison. Hein, comme on dit en créole, des fois on parle entre nous. On dit, ok, bon, le gain. Hein, je te donne raison, ça y est. J'arrête. Et là. Al-Mira, Al-Mumarat, c'est au pluriel. Al-Mumarat. Al-Mumarat. Al-Mira. Alors, si c'est des débats, des discussions au sujet de la aqida, au sujet du raïb, ça c'est haram, ça rentre même dans les innovations. Et les ulama, ils ont mis en garde contre ça dans les livres de aqida. Hein? Parce que c'est ça que les gens de bid'a font. Ils font le mira au sujet du qadar, au sujet de asma wa sifat, au sujet du raïb. Ça c'est très très dangereux. Parce que tu risques de t'égarer là-dedans. Donc, mais si c'est dans les autres choses, c'est déjà pas permis. Alors imaginez dans ces questions-là, c'est encore plus grave. Ouais, au plus haut niveau du paradis. Fi a'la al-jannah. Il n'a pas mentionné la référence, mais je sais que c'est un hadith authentique. Ouais, au début du hadith, bon, il mentionnait en deux parties. La première partie, je n'ai jamais entendu avant, c'est la première fois. C'est pour ça que je ne l'ai pas traduit, mais étant donné que je n'étais pas sûr de cette partie-là, je préfère ne pas le mentionner. Mais ça dit, celui qui abandonne une discussion alors qu'il a tort, Allah lui construit une maison dans le paradis. Mais il dit, fi rabadil jannah. Mais rabadil jannah, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est une partie dans le paradis, c'est quelque part dans le paradis, mais c'est pas comme celui qui abandonne alors qu'il a raison. Celui qui abandonne alors qu'il a raison, il a plus de mérite. Parce qu'il a raison, puis en plus il cesse. Donc Allah lui donne une maison dans le plus haut niveau du paradis. Le cheikh, il donne des exemples de mira et les causes psychologiques qui a cette maladie-là de vouloir toujours débattre et faire ces discussions-là. Parce que des fois, les choses qu'on a qui nous amène à avoir un mauvais comportement, ça a des causes psychologiques. C'est-à-dire, quand on dit psychologique, en arabe on dit nafsiya. Ça a des causes qui viennent des maladies de l'âme, des problèmes qui sont dans notre âme. Hein? Et donc, pour guérir ces maladies-là, ça, des fois c'est un petit peu plus compliqué que guérir des maladies physiques. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, motivation. Il faut se rééduquer un peu des fois. Donc le cheikh il dit al-mira lahu asbab nafsiya la budda an yu'alijaha al-mar'u fi nafsihi minha an yunzara annahu lam yastaslim li wajhati an-nazar ka'an yaqula ra'yan khata'an فيأتي الثاني ويقول أنت أخطأت ولست كذا وهي كذا ليست كذا وهي كذا فيستعظم أن يخطئ وإذا أخطأ فالحمد لله العلماء أخطأوا في المسائل في مسائل في الدماء ورجعوا عنها وأخطأ بعضهم في مسائل في الفروج ورجعوا عنها والرجوع عن الخطأ محمدة وليس بعيب فكل من رجع عن خطأ أخطأ فهو تاج على رأسه ويدل على أنه روض نفسه في طاعة الله وجعل العبودية فوق الهوى. Donc parmi les causes de يعني les causes psychologiques ou intérieures de Al-Mira et comment on fait pour les guérir, c'est que premièrement parmi ces catégories là c'est que tu montres que il y en a quelqu'un, quand on lui montre qu'il a tort, il ne veut pas l'accepter. On lui dit, par exemple, lorsqu'il dit quelque chose qui est incorrect, on lui dit « Tu as fait une erreur dans cette parole-là ou dans cette idée-là. C'est incorrect, qu'est-ce que tu dis ?» Alors la personne, quand on lui dit qu'elle a tort, elle ne peut pas supporter d'avoir fait une erreur. Elle n'accepte pas qu'on lui dise qu'elle a fait une erreur. Hein? Donc le cheikh, il dit « Non, tu ne dois pas t'énerver quand on te dit que tu as fait une erreur. » Au contraire, si tu as fait une erreur, dis « Alhamdoulilah ». Dis-toi qu'il y a des savants qui ont fait des erreurs dans des questions très graves, dans des questions qui ont rapport avec le sang des gens, et ils sont revenus de leurs erreurs. Dans des questions qui ont rapport avec les parties, questions qui ont rapport avec les parties des gens, les parties intimes. Et ils se sont trompés dans ces questions-là, et ils sont revenus lorsqu'on leur a montré leurs erreurs. Le fait de revenir de notre erreur, c'est quelque chose qui est louable, et c'est quelque chose qui amène du bien, c'est quelque chose qui est louable, et c'est pas un défaut. Parce qu'il y en a qui disent, ah non, mais si je dis que j'ai fait une erreur, ça c'est la honte. Ils pensent que c'est une honte, ils pensent que c'est quelque chose de mauvais. Non, si tu t'es trompé, t'as fait une erreur, tu reviens, ça c'est quelque chose de louable, c'est quelque chose de bien. Ça montre que tu t'es dompté toi-même. Le cheikh il dit, c'est comme si le fait de revenir de notre erreur, lorsqu'on fait une erreur, c'est une couronne sur notre tête. Il dit, ça montre que tu t'es dompté toi-même dans l'obéissance d'Allah et que tu as fait de l'adoration d'Allah quelque chose qui est au-dessus de ta passion. Deuxième exemple, il dit, minha ar-raghbatu fil intisar. فهو يرغب أن يكون أحسن عقلا وأحسن إدراكا من الآخر. ويبدي وجهات نظر متنوعة والآخر يبدي وجهات نظر من جهة أخرى فيدخل كلا منهما في مراء بأسلوب يوقع الشحن والبغضاء في القلوب. Donc il dit que une des causes de Al-Mira, c'est que chacun veut défendre sa position et montrer que c'est lui qui a raison. Et chacun veut montrer qu'il est plus intelligent que l'autre, qu'il a mieux compris que l'autre. Et chacun donc amène ses différents points de vue, et chacun والآخر يبدي وجهات نظر من جهة أخرى. Chacun amène ses positions de chacun de son côté, et les deux tombent dans Al-Mira, dans la dispute et dans l'obstination à cause de ça, dans l'obstinement à cause de ça. En utilisant une méthode qui ramène de la haine et de l'animosité et de la rancune entre les cœurs. Et ça, tu vois ça des fois même dans des forums ou dans des discussions, les gens, ils commencent à faire des débats et tu sens que la passion, elle rentre là-dedans. Et que Al-Mira, il rentre. Il commence à... Chacun veut montrer qu'il a compris, qu'il est plus intelligent que l'autre, qu'il a plus raison que l'autre. Donc ça, c'est très dangereux. وَمِنْهَا عَدَمُ رِعَايَةِ أَفَاتِ اللِّسَانِ وَاللِّسَانُ مُحَاسَبْ بِمَا يَنْتِقُ وَيَتَحَرَّكُ بِهِ وَمَا يَلْفَظُ مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ قَالَتْ وَقَدْ قَالَ جَلَّ وَعَلَا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الحديث كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فقال معاذ يا رسول الله أو إن محاسبون على ما نقول قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فمن أسباب المماراة عدم رعاية إصلاح اللسان والاستخفاف به. واللسان كما قيل صغير الجرم ولكن كبير الجرم، وبه تحصل آفات كثيرة عظيمة، بها يتفرق الأحباب وتحصل الشحناء والعداوة. Donc le cheikh dit parmi les causes de al-mira, il y a le fait que les gens ils font pas attention à qu'est-ce qui sort de leur avec leur langue, qu'est-ce qu'ils disent avec leur langue. Et ça, c'est très grave et c'est très dangereux. Surtout lorsque tu es en train de discuter et de débattre avec quelqu'un et d'avoir une argumentation, des fois, hein, le shaitan, il vient et te fait dire des mots. Et des fois, tu regrettes après de les avoir dit. Parce que tu dépasses la limite, hein, dans ces mots-là. Donc ça, c'est très attention. Il faut faire très attention quand on a ce genre de discussion-là, de calculer. Qu'est-ce qu'on dit ? Et surtout, comme par exemple, quand quelqu'un, par exemple, il discute avec sa femme, hein, quand il est en colère contre elle ou des choses comme ça, il fait attention à ce qui sort de sa bouche. Et les mots qu'il choisit, il doit les calculer. Parce que, quand il est en colère, des fois, il réfléchit pas à ce qu'il dit. Il dit des choses graves. Mais ces choses-là restent. Et ça compte, malgré qu'il est en train de les dire parce qu'il est en colère. Il doit prendre le contrôle de soi-même et ne pas laisser la colère lui faire dépasser la limite pour commencer à dire des choses qui sont incorrectes ou fausses ou mauvaises, qui risquent par la suite de retourner contre lui. De garder le contrôle de soi-même dans ce genre de discussion-là. Et le cheikh, il dit que qu'est-ce que tu dis avec ta langue, tu vas être questionné par Allah, on va te demander des comptes pour qu'est-ce que tu dis, hein? Donc pour qu'est-ce que tu prononces comme parole, tu sais qu'il y a des anges qui sont, hein, à droite et à gauche et qui écrivent tout ce que tu dis comme parole. Donc tu vas être questionné au sujet de ce que tu as dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لا خير في كثير من نجواهم. Il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles quand ils discutent en secret, excepté pour celui qui a ordonné de faire une sadaqa, c'est-à-dire il ordonne de donner de l'argent en bien, ou qu'il ordonne de faire le bien, أو معروفين, ou de réconcilier entre deux personnes, أو إصلاح بين الناس. Donc ça, c'est des bonnes paroles. Mais sinon, le reste, il y a beaucoup de leurs paroles qu'il n'y a pas de bien dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, « Kuffa alayka hadha. » Il a montré sa langue, il a dit, « Retiens celle-là. » Hein? « Retiens cette chose. » Il a montré sa langue. Et Mu'adh ibn Jabal a dit, « Ô messager d'Allah, est-ce qu'on va être questionné pour qu'est-ce qu'on dit? On va être tenu pour compte pour qu'est-ce qu'on a dit? » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole de réprimande en voulant dire, فَقُلَتْ كَأُمُّكَ يَا مُعَاذ. C'est-à-dire que ta mère te perde, que ta mère te perde, ô Mu'adh. Hein, bien entendu, ça c'est pas dans son sens, c'est une expression que les gens disaient. Et il faut pas le prendre dans son sens littéral. Et il dit, est-ce que tu crois qu'il y a autre chose qui va faire tomber les gens dans l'enfer sur leur visage ou sur leur nez, autre que les choses qui sortent par leur langue, les choses qu'ils font par leur langue, hein, c'est-à-dire leurs paroles. Et donc parmi les causes donc qui amènent al-mira, c'est le fait de pas essayer de corriger sa langue et de la négliger. Et yani, la langue, on dit qu'elle est petite c'est une partie du corps qui est très petite, mais elle amène beaucoup de mal. Elle peut avoir beaucoup d'effets très mauvais. Donc il faut faire attention à ça. Et il peut causer même des guerres. La langue, elle peut même causer des guerres. Elle peut faire beaucoup de choses, hein. Des fois, un mot qui sort, qui dépasse la limite, hein, et ça y est. Ça peut amener quelqu'un à l'hôpital, même ça peut l'amener à sa tombe. Donc, calculer les mots. Et ça divise entre les amis, ça fait qu'il y a de l'animosité, de la haine, de la rancune qui rentre dans les cœurs. Donc c'est très important de calculer qu'est-ce qui sort de notre langue. Et wa akhiran fil mumarat wa fil mira, al mira mudad li husn al khuluq. فإن الناظر إذا تأمل ما يجب عليه من حسن الخلق فإنه لا يماري لأن الممارات فيها انتصار وفيها استعلاء على الآخر وهذا مضاد لحسن الخلق بل تبدي ما عندك بهدوء ولين فإن قبل منك فالحمد لله وإلا تكون ذكرت وجهة نظرك وبعض الناس في المجالس يؤدي به المراء إلى أن يكرر نفس الفكرة 10 مرات 20 مرة وهي هي ولكنه يعيدها بصيغة أخرى ويحمله على هذا الانتصار على هذا الانتصار للنفس أو أسباب أخرى الله أعلم بها أو غفلة عما يجب عليه إذا أوردتها مرة وفهمت عنك فلا تماري في ذلك لأن حقيقة المراء أنه مضاد لحسن الخلق والمسلم مأمور بأن يحسن خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك في أحاديث كثيرة. Donc le cheikh il dit que il faut savoir que ce genre de débat d'argumentation et de dispute dans l'argumentation, c'est quelque chose qui est en opposition avec le bon comportement dans l'islam. Et que la personne qui observe yani, ce qui est obligatoire pour lui d'avoir comme bon comportement, il ne va pas se comporter de cette façon, il ne va pas débattre ou s'obstiner avec quelqu'un dans ce genre de dispute-là. Parce que dans ce genre de comportement-là, il y a qu'est-ce qu'on appelle l'intisar. C'est-à-dire, on essaie de montrer que c'est nous qu'on est la vérité, qu'on est, yani, qu'on a raison. On essaie de s'élever sur les autres. Yani, on est, quand on dit par exemple qu'on a la vérité, c'est-à-dire, ça n'a pas rapport au fait que si on est en train de dire quelque chose qui a rapport avec la sunna ou avec le Coran, puis on veut défendre ça contre qu'est-ce qu'un innovateur est en train de dire, ou qu'est-ce qu'un mushrik ou un kafir est en train de dire, on veut défendre la vérité. Ça c'est quelque chose de vrai. Dans ce cas-là, oui, on défend la vérité, mais encore là, la discussion doit être dans le respect. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Wa la tujadilu ahl al-kitab illa billati hiya ahsan » et n'argumenter avec les gens du livre que de la meilleure façon. Donc ça ne doit pas être fait avec une argumentation dans laquelle il y a les gens qui crient, les gens qui commencent à chacun il veut parler par-dessus la voix de l'autre et il n'y a pas de respect et ainsi de suite. Même avec des koufars, tu ne dois pas faire ça. Donc imagine avec un musulman au sujet de quelque chose qui est peut-être même pas relié à la religion ou encore pire si c'est relié à la religion. Donc ça c'est contraire au bon comportement. Et le cheikh il dit si tu veux discuter avec ton frère, tu présentes qu'est-ce que tu as à présenter comme argument avec douceur, avec gentillesse. Si la personne accepte ce que tu dis, alhamdoulillah. Si elle accepte pas, yani alhamdoulillah, tu as donné ton opinion. Et il y a certaines personnes, parfois, dans une assise, quand ils sont assis ensemble, puis ils commencent à argumenter, ils rentrent dans Al-Mira, et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que, yani, il va répéter la même idée 10 fois, 20 fois, mais des fois de différentes façons, mais c'est la même chose qu'il dit. Mais il veut tellement montrer qu'il a raison. Il dit non, écoute, je vais te dire. Il commence à dire la chose d'une façon. Après, il le répète encore une fois. Il répète encore une fois. Pendant 10 fois, 20 fois, ça c'est parce que la personne elle s'obstine. Et donc ça, c'est pas bon qu'il y ait de ce genre de choses-là. Il fait juste changer la formulation ou la façon de dire les choses. Qu'est-ce qui l'amène à faire ça? C'est parce qu'il veut, son âme veut avoir le dessus. Son âme veut avoir raison. Hein? Et il y a beaucoup d'autres causes à Al-Mira. Ou bien il peut y avoir d'autres raisons pourquoi la personne répète plusieurs fois la même chose. Soit parce que... Il devient insouciant de ce qu'est-ce qui est obligatoire pour lui. Donc le cheikh il dit, si tu l'as dit une fois puis ça a été compris de ce que tu voulais dire, alors arrête de débattre. Tu n'as pas besoin de répéter plusieurs fois. Il y en a qui pensent parfois que si on répète plusieurs fois la même chose, à la fin la personne peut-être va être d'accord avec nous, va changer d'opinion. Si la personne n'a pas compris la première fois, elle n'a pas accepté notre opinion la première fois, et que c'était clair, donc le fait de répéter plusieurs fois, ça ne va pas changer la chose. Et bien entendu, dans ce genre de discussion-là, si on argumente avec nos frères, on parle avec nos frères dans des choses comme ça, une des conditions, c'est qu'on soit chacun d'entre nous sincère avec Allah, puis qu'on veuille vraiment la vérité. Parce que si ce n'est pas ça notre intention, peu importe qu'est-ce qu'on discute, on n'aura jamais, quelqu'un n'acceptera jamais de descendre ou de laisser tomber son point de vue à lui. Donc le musulman, il doit avoir un bon comportement et Al-Mira, c'est quelque chose qui est en contradiction avec le bon comportement. Donc... Il reste encore quelques petits points parmi les droits de la fraternité. Il y a le droit ici de la langue, que tu préserves, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que là, il reste pas beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste passer rapidement sur les derniers points, juste pour résumer, sans lire l'exemple en arabe, juste pour que, on puisse... au moins terminer la conférence, Inch'Allah. Donc, parmi les droits de ton frère, c'est que tu fasses, que tu dises des bonnes paroles et des bonnes choses avec ta langue, que tu utilises ta langue pour défendre ton frère dans son honneur, et que tu préserves ta langue de dire du mal de ton frère. Ça fait partie des droits qu'il a sur toi. Il dit لأن المصاحبة والأخوة ما قامت على رؤية الصور فقط وإنما قامت على الحديث وحركة اللسان وهذا مع حركة لسان الآخر نقيم بين القلوب تآلفا فلذلك لا بد أن تبذل اللسان لأخيك. Donc il faut que tu utilises ta langue dans le but de préserver cette fraternité-là et d'enrichir cette fraternité. Ça fait partie des droits de la fraternité. Et parmi ces droits-là, donc, comme on a dit, c'est que le fait d'être des frères et le fait d'avoir cette fraternité-là et de prendre des gens comme compagnons, c'est pas juste rester ensemble en apparence. Parmi les choses qui alimentent ça, il y a justement le fait de se parler, de discuter. Et donc, il faut absolument... pour que l'amour rentre entre les cœurs, qu'on fasse attention à notre langue et qu'on dépense de notre langue dans le bien justement pour cette cause-là. Il dit, et il y a des manifestations de ça. Il dit, premièrement, tabzul al-lisan fi tawaddud lahu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, idha ahabba ahadukum أخاه فليعلمه فإذا أعلمه فليقل الآخر أحبك الله الذي أحببتني فيه. Donc parmi les premières choses que le cheikh il mentionne à ce sujet là c'est que tu dois dépenser de ta langue dans les choses qui vont amener l'amour entre toi et ton frère. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que lorsque l'un d'entre vous aime son frère, alors qu'il lui fasse savoir, qu'il lui fasse savoir qu'il l'aime. Il lui dit "Uhibbuka fillah", par exemple, je t'aime en Allah. Et la personne doit répondre à l'autre "Ahabbaka Allah alladhi ahbabtani fi". C'est-à-dire que Allah, celui en lequel tu m'as aimé, t'aime. que Allah, celui en lequel tu m'as aimé, t'aime. C'est ça que tu dois lui répondre. Donc ça, ça fait partie des choses qui font que, entre les croyants, il y aura de l'amour. Et il y a une parole aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لن تدخل الجنة حتى حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تتحابوا فهل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est pour dire que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit, vous n'allez pas entrer au paradis jusqu'à ce que vous soyez croyant. Et vous ne serez pas croyant jusqu'à ce que vous vous aimiez. Et voulez-vous que je vous dise quelque chose? Que si vous, si vous allez le faire, ça va vous amener à vous aimer? Alors, dites le salam entre vous. Dites-vous le salam entre vous. Hein? Et comme on disait l'autre fois, on était en train de parler de ça justement quelque part. Puis... il y a un frère qui disait quand dans certains commerces, quand il y a des clients qui rentrent qui sont musulmans, ils rentrent, ils disent bonjour au lieu de dire salam. Et donc il disait, à cause de ça, moi quand je vois des musulmans maintenant qui rentrent, je ne dis pas salam, je dis bonjour. Hein? Et donc ça, c'est ça le problème maintenant. Les gens ils se disent bonjour. Une fois je suis rentré quelque part dans un bureau et c'était un musulman. Et je le connaissais, je le voyais, je l'avais vu à la mosquée déjà. Quand il me voit, il me dit bonjour. Je lui ai dit assalamu alaikum. Il dit non, le salam c'est à la mosquée. Puis dehors de la mosquée, c'est bonjour. J'ai dit subhanallah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voulez vous aimer, dites-vous le salam entre vous. Donc il faut se dire le salam, non pas le bonjour. Hein? Donc, alhamdoulilah, des fois je vais quelque part, Yanni, dans le métro ou quelque part, tu vois, puis la personne qui travaille là-bas, c'est un musulman. Hein? Et il me reconnaît, il voit que je suis musulman. Alors il me dit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, tu vois qu'il y a un lien de fraternité, tu le sens, tu vois. Eh oui, il y a une da'wa aussi là-dedans, c'est mashallah. Donc, ça c'est un exemple. Ça amène l'amour entre les cœurs. Et il dit, le cheikh, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَهِيَ غَيْرَ صَادِقٍ. Il y en a qui disent, أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ, mais il n'est pas sincère. أَوْ غَيْرَ عَلِمْ بِحَقِيقَةِ مَعْنَاهَا. Il dit, je t'aime pour Allah, mais il ne sait pas qu'est-ce que sa réelle signification. يقول, أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ, فَمَعْنَ ذَلِكَ أن في قلبك محبة لهذا في الله ولله فيقتضي أن تحفظ حقه. Donc ça veut dire que tu dis que dans ton cœur il y a de l'amour pour cette personne-là, dans ce qui amène l'agrément d'Allah et pour Allah. Et ça implique que tu dois préserver son droit. Que tu dois préserver son droit. وأما أن تقول له أحبك في الله وأنت في الحقيقة لا تحفظ له حقا فعند التأمل هذا ليست محبة. Donc si tu lui dis je t'aime en Allah puis qu'en réalité tu préserves aucun de ses droits, alors dans ce cas-là, si on médite bien comme il faut, on voit que c'est pas de l'amour. الأول أن تودد له أن تتودد له باللسان بمثل أن تقول له هذه الكلمة بأن تتكلم معه بأحسن الكلام. وقال الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. Donc tu dois trouver pour ton frère la meilleure parole et dire les meilleures paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 53 dans sourate Al-Isra, dis à mon serviteur qu'il dise la meilleure chose. Parce que le shaitan, il essaie de semer la discorde entre eux. Donc ça, c'est important. وَهَذَا مِنْ بَذْلِ اللِّسَانِ لِأَخِيهِ فَهُوَ مَنْ بَذَلَ اللِّسَانِ لِأَخِيهِ فَهُوَ لَا تَنْتَقِي اللَّفْظَ الْحَسَنِ وَلَكِنْ أَحْسَنَ الْأَلْفَاظِ. لأن الله أمرك بذلك. Donc tu dois chercher les meilleurs mots, les meilleures paroles à dire à ton frère. Et des fois, avant de, comme on dit, avant de parler, tu devrais prendre ton temps pour calculer les conséquences et les effets de tes paroles à ton frère. Hein? Des fois, tu rencontres, comme je disais au tout début, il y a des gens, des fois, ils voient leur frère, ils commencent à dire des paroles. Il aurait pu s'abstenir de dire ça. Peut-être ça lui fait de la peine, peut-être ça le rend triste, ou bien ça le dérange. Et des frères qui ne sont pas vus depuis longtemps, première chose qu'ils te voient, ah mon frère, t'as pris du poids. Ou bien quelqu'un, ça fait longtemps qu'il t'a pas vu, ah mon frère, t'as l'air fatigué. Hein? Ou des choses comme ça, Yanni. Au lieu de dire des choses qui peuvent amener de la joie dans le cœur de ton frère. Hein? Ah mon frère, je suis content de te voir, mashallah, t'as l'air en forme, t'as l'air bien, mashallah, barakallahu fik. Hein? Dis des paroles plaisantes, pas des paroles toujours qui vont faire sentir la personne peut-être mal ou inconfortable, ou des choses comme ça. Même si c'est pour taquiner, des fois juste pour taquiner, des choses comme ça. Mais des fois, à force de taquiner trop, des fois peut-être que tu sais pas le moral de la personne à ce moment-là. Peut-être qu'il a une mauvaise journée, peut-être qu'il est malheureux, peut-être qu'il est triste, peut-être qu'il a des problèmes. Toi, tu viens, tu lui rajoutes. C'est pas correct, hein? أحبك الله الذي أحببتني فيه. C'est-à-dire que Allah t'aime celui en le يعني comme tu m'as aimé en lui. C'est ça que ça signifie. La deuxième chose, il dit ومن مظاهر التودد باللسان أو بذل اللسان له أن تثني عليه في غير حضوره إذا خالطت أحدا وأنت تعلم من أخيك هذه الصفات المحمودة لأنك إذا أثنيت عليه في حضوره صار مدحا والمدح ممنوع لأنه يورث عجبا وهل الثناء عليه لا بد أن يبلغه فتقوم المحبة الصادقة وتقوم قياما صحيحا الثاني أن ذكر محاسن أخيك عند غيرك يجعل أولئك يجتهدون في الاقتداء به ويعملون ويعلمون أن الخير هناك أن الخير هناك أناس كثيرون يعملون به فالمرء إذا ذكر عنده الخير تشجع له. Donc ici le cheikh dit parmi les choses que tu dois faire qui amène l'amour et les choses qui sont des expressions justement des manifestations de cet amour-là, c'est que tu dépenses de ta langue en faisant des éloges de cette personne lorsqu'il n'est pas présent. Hein? Lorsque tu es avec des gens puis que tu parles de ton frère, tu dis de ton frère des choses de bien. Parce que tu le fais pas quand il est présent, parce que si tu le fais quand il est présent, ça devient une glorification, ça c'est pas correct. Mais tu le fais en son absence, quand il n'est pas là. Tu dis du bien de lui. Et le fait que tu le fasses en son absence, que tu mentionnes du bien, ça encourage les gens à prendre ce comportement-là que tu mentionnes comme étant du bien ou des choses comme ça. Ça force les gens à prendre ça comme un modèle, comme un exemple. Les gens vont vouloir faire la même chose. Je dis à ce frère-là, mashallah. Je l'aime beaucoup en Allah. Tu le vois par exemple, il fait toujours par exemple la lecture du Coran, ou il fait toujours telle ou telle chose. Les gens ils entendent ça, ils disent ah oui c'est vrai, mashallah. Ça l'encourage à le faire lui aussi. Hein? Ça c'est des exemples. Naam. Naam. Wa iza zakarta 'indahu ash-shurur tushajji' laha. Fa ذكر الخيرات في المجالس هو الذي ينبغي أما ذكر الشرور وذكر الآفات وذكر المعايب يجب اجتنابه لأن في ذكر المعايب ما ييسر سبيل الاقتداء بأهلها فيها. Le Cheikh il dit de mentionner du bien ça encourage de faire du bien, mais de mentionner du mal et les défauts et les problèmes des gens, ça il faut s'en écarter, il faut éviter de le faire, parce que le fait de mentionner toujours le mal et le mal tout le temps, eh bien, ça amène les gens à prendre ça comme un modèle et un exemple et à suivre cette voie-là. Il y a des gens, parfois, quand tu es avec eux, ils ne font que mentionner le mal, mentionner les problèmes, les défauts des gens ou les péchés. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais à force de toujours parler du mal, du mal, du mal, du mal tout le temps, mais ça fait que ça commence à, disons, prendre une place plus grande que ça devrait prendre, et peut-être même que ça peut faire tomber la personne dans le mal par la suite. Donc il faut mentionner le bien et s'écarter du mal. ومن مظاهر بذل اللسان شكره على بذله على حسن المعاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه ومن لم يحمد أخاه على حسن النية ولم يحمده على حسن الصنيعة. Donc ici il dit le cheikh que aussi parmi les choses qui montrent qu'on a dépensé de notre langue pour notre frère, c'est qu'on le remercie lorsqu'il a fait quelque chose de bon pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne remercie pas les hommes, il n'a pas remercié Allah. Ça c'est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ahmed, selon Abi Huraira, et il est authentifié dans Sahih al-Jami'a. Et il y a un autre hadith aussi qui est mentionné, que celui qui vous fait un bien, alors récompensez-le. Celui qui vous fait un bien quelconque, alors récompensez-le. Et à la suite du hadith, ça dit, et si vous n'êtes pas capable de trouver quelque chose pour lui remettre le bien qu'il vous a fait, alors, dans ce cas-là, faites pour lui des du'as jusqu'à ce que vous ayez l'impression que vous l'avez rétribué ou récompensé suffisamment. Donc ça, c'est les manifestations, donc, de la dépense qu'on fait par notre langue pour notre frère. Le point numéro 7, al-afu anil zallat. Le droit numéro 7, al-afu anil zallat. Wa hadha babun wasi'. C'est-à-dire que tu dois être indulgent envers ton frère pour les fautes qu'il a commises envers toi, s'il a commis une faute quelconque. Et de pas être trop, de pas être trop sévère et dur envers tes frères. Bon, le cheikh ensuite, il va élaborer sur quel genre de fautes il a commis. Si c'est des fautes qui ont rapport avec la religion ou des fautes qui ont rapport avec toi. Et bien entendu, il y a différentes catégories. Et si c'est envers la religion, et si c'est dans des choses qui ont rapport avec l'aqida ou le manhaj ou des choses comme ça, là on sait que ça devient une autre catégorie maintenant. Tandis que si c'est des erreurs dans la religion, dans le sens que il a commis un péché ou des choses comme ça, ou des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, bien entendu, on sait qu'on a un devoir entre frères, c'est de donner la nasiha. De donner la nasiha. Donc il a parlé de ça. Et il a parlé aussi du fait de boycotter un frère pour un mal ou un péché qu'il a fait ou quelque chose qu'il a fait. Il dit que si tu sens que lorsque tu vas boycotter un frère ou que tu vas cesser de le fréquenter, ça va avoir sur lui un impact qui va lui faire réaliser que il a commis quelque chose de mal et qu'il doit revenir de ça et se repentir, alors dans ce cas-là, tu dois le boycotter justement parce que ça va faire en sorte qu'il revienne. Le huitième droit, الفرح بما أتاه الله جل وعلا إنام. قسم الله سبحانه وتعالى قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم وفضل بعضهم على بعض فحق الأخ على أخيه أنه إذا أتى الله واحدا من إخوانك فضلا ونعمة أن تفرح بذلك. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a distribué son risque à ses créatures et à ses serviteurs de différentes façons. À certains, il a donné plus et à d'autres, il a donné moins. Et la même chose pour le comportement aussi, le khuluq. Il a donné à certains un meilleur khuluq qu'à d'autres. il ne faut pas qu'il y ait entre les frères de la jalousie dans ces choses-là. Et si tu vois que Allah a donné à ton frère plus de risques que toi, plus de bien que toi, il faut que tu te réjouisses de ça. Il ne faut pas que tu sois jaloux de ce que Allah lui a donné. Hein? Et le cheikh, il mentionne donc plusieurs choses à ce sujet-là. Et il parle donc de des effets néfastes de la jalousie. Et qu'il faut se débarrasser de la jalousie. Et il dit, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi » Il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi » C'est-à-dire que nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et les hommes de science ont dit, « La yu'minu ya'ni al-iman al-kamil » C'est-à-dire, quelqu'un d'entre vous n'est pas croyant, nul d'entre vous n'est croyant, la foi complète, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est ce que ça signifie. Donc, il faut chasser la jalousie qu'on peut avoir dans notre cœur parce que Allah a donné à un frère plus qu'à nous. Il faut pas être jaloux de lui. Hein? Il faut, au contraire, se réjouir et être content pour lui, pour qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Du moment que, bien entendu, on se réjouit pour lui, du moment que la personne, elle utilise cette chose dans l'obéissance d'Allah et dans le bien, et non pas lorsqu'elle l'utilise dans le haram ou dans le péché. Dans ce cas-là, on est triste pour lui, hein. Mais, c'est pas par rapport à la jalousie, mais c'est plutôt par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un neuvième droit aussi. Hein, yakuna baynaka wa bayna ikhwanika ta'awun fil khayr wa salah. وقد أمر الله جل وعلا بذلك في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc le neuvième droit, c'est que il y ait de l'entraide dans le bien entre toi et ton frère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 dans sourate Al-Ma'idah, et entraidez-vous mutuellement dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et dans la transgression. Le droit numéro 10, et c'est le dernier. Le cheikh, il dit, an yakuna bayna ashab, an yakuna bayna ashab al-ukhuwa al-khassa tashawurin wa ta'alufin fima baynahum, wa an la yakuna 'inda al-wahid minhum infiradun bil amri bal yakunu at-tashawur. والله جل وعلا مدح المؤمنين بذلك في قوله وامرهم شورى بينهم. Donc le dernier des droits, c'est que entre les amis qui ont une amitié particulière et un amour particulier et qui sont des compagnons, il faut qu'il y ait entre eux de la consultation et de l'amour. C'est-à-dire que c'est pas que un il a le dessus, le contrôle, le pouvoir sur l'autre. Non, c'est toujours un qui décide. Non, c'est une relation d'échange et de consultation. Quand ils veulent faire quelque chose, ils vont en discuter entre eux pour voir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu penses ça? Est-ce que c'est correct? Et ils discutent. C'est pas un qui dit on fait ça, on fait ça, on fait ça, qui donne des ordres à l'autre. D'accord? Et il mentionne à ce sujet-là le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié les croyants, hein, qui signifie dans le verset 38 dans sourate Ash-Shura, qui dit et leurs affaires se gèrent par shura, par consultation entre eux. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et ils donnent, ils dépensent de ce que nous leur avons donné. Donc ça, ces deux droits là ils ont besoin d'être détaillés un peu plus, mais le cheikh, il dit que étant donné qu'il y avait peu de temps, il ne pouvait pas continuer plus longtemps, donc il s'est limité à ça, et il termine en disant un dua. Il dit, Asallallah jalla wa ala an yaj'alana jami'an min al-mutahabbina fihi wal-muta'akhina fihi alladhina qala fihim ayna الذين قال فيهم أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous tous des gens qui s'aiment en lui et qui sont frères en lui, et qu'il fasse de nous qu'on soit parmi ceux au sujet desquels il a dit, où sont ceux qui se sont aimés dans moi, dans ma majesté? Aujourd'hui, je les couvrirai de mon ombre, le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté mon ombre. Et le cheikh dit, wa as'alullah jalla wa ala an yaj'alani wa iyyakum min al-muta'awinin 'ala al-birri wat-taqwa al-mutanasihin fi dhalik al-bazilin al-khair al-mutafattihin abwab al-khairat المغلقين أبواب الشرور وأن يجعلنا ممن يقصدون بأعمالهم وجه الله جل وعلا وأن يمن علينا بذلك فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا المسلمين بعامة وأن يوفقنا إلى ما يرضيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il termine en disant, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous ainsi que de vous des gens qui s'entraident dans la bonté et dans la piété, et qui se donnent le conseil les uns les autres, et qui dépensent les uns et les uns envers les autres le bien, hein, dans le bien, et qui ouvrent les portes du bien et qui ferment les portes du mal, et qu'il fasse de nous, hein, des gens qui, lorsqu'ils font des actions, le font uniquement pour le visage d'Allah, et qu'il nous fasse de sa grâce et de sa faveur, car il n'y a pas de déplacement ou de mouvement ni de force excepté en lui. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne à nous ainsi qu'à nos parents et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et à nos frères musulmans de façon générale, et qu'il nous donne le succès de nous guider vers qu'est-ce qui amène son agrément, et paix et salut et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on espère donc que cette conférence a été bénéfique pour chacun d'entre nous, et qu'on va être capable de mettre en implémentation et en application les enseignements qui sont contenus dans ces paroles et dans ces explications là, et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte cet effort qu'on a essayé de faire, qui est très humble et modeste, mais bon, on fait qu'est-ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.